can wrong me. Mwen sonje lèm ta file ou, ou pa tjan pou amose ye. Lèm dir je t'amou pa t'bli kwen, ou te di se profite m, de profite ou. Ou pa t'we lèm ou te nan kè mwen. Mè kon ya sa fè lontan ou nan kè mwen. Mon vie mout yo souri, mon vie mout yo paradis fa kontre Jésus. Ma foraine pren de ma voix, pa plage ou ou pa. Vle le matin lem leve, mwen pou fè repas. Et c'est mwen pou lave chaque glace, c'est mwen pou coucher chaque soir. Et notre jour au paradis, après chaque soir. Mwen sit, c'est la sa wavin pi belle princesse mwen. C'est la sa wavin pi belle déesse mwen. C'est la sa wavin pi fier, c'est la sa wavin réalise, c'est pour mwen te fait. Tu ne peux pas. Je veux m'engager.